L'actualité à Nancy et ailleurs. Vincent Granata, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur pédagogique à l'école de musique de la MJC Philippe Desforges, qui se trouve à Nancy. Et avec vous, donc, on va voir comment vous fonctionnez un peu en ce moment. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de cette école de musique que peut-être certains ne connaissent pas forcément ? Oui, c'est une école de musique qui est donc rattachée à la MJC Desforges. La MJC Desforges est une structure un peu multiple, dont une partie de ses activités consiste à être un centre de loisirs pour enfants. Une autre partie des activités consiste à être une galerie d'art, un centre d'exposition donc. C'est également un centre où on apprend la danse, où on peut apprendre à faire du sport et également où on peut apprendre à faire de la musique. Voilà, et votre fonction, donc vous êtes coordinateur pédagogique donc pour l'école de musique. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans cette école de musique ? Combien d'élèves vous accueillez ? Quel âge faut-il avoir pour y participer ? Et puis quelle discipline, quel style de musique vous proposez aussi ? Nous, on est une école de musique qui est destinée vraiment à tout le monde. Donc on accueille des enfants jusqu'à des étudiants, puis des adultes, puis des personnes retraitées qui ont envie de faire de la musique. Les styles sont très variés. On a du classique, des musiques actuelles, parce que donc on est une école qui fonctionne sur la base de cours individuels, mais également de cours d'ensemble, un peu comme une école classique, hein, au sens classique du terme. Donc, on a par exemple un professeur d'accordéon, pour vous donner des exemples un peu plus concrets, oui. Un professeur d'accordéon qui donne des cours de musique traditionnelle, qui a un ensemble également de musique celtique. On a des cours de piano classique. On a des cours de piano jazz, des cours de guitare classique, des cours de guitare jazz, rock, musique actuelle. On appelle ça les musiques actuelles. Donc on a un panel assez varié et on accueille à peu près tout le monde. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau déjà avancé. On peut être tout à fait débutant, tout simplement. Oui, on peut être débutant et apprendre la musique depuis le départ. Il y a également des cours de solfège, etc. On peut être adulte, avoir fait de la musique, comme c'est souvent le cas en fait, avoir fait de la musique pendant longtemps, puis avoir arrêté pour des raisons personnelles, puis vouloir reprendre dans un style peut-être différent. On voit beaucoup ça en piano, donc des gens qui ont fait du piano pendant longtemps, par des partitions, etc., qui veulent reprendre sur des musiques un peu plus de tradition orale ou des musiques un peu moins écrites, apprendre à improviser, etc., et donc on leur donne un peu des outils pour faire tout ça. Alors comment vous arrivez à fonctionner avec vos cours ? Eh bien, on a pu se réorganiser à partir du début du mois de janvier pour accueillir les moins de 16 ans. Donc voilà, ça a été très difficile pour nous de fermer en octobre les cours aux adultes, parce qu'on ne peut plus faire des cours donc pour les plus de 16 ans, des cours individuels, puisqu'on est un établissement, alors il y a différentes catégories d'établissements, nous on est un établissement recevant du public de catégorie L, ce qui nous empêche de recevoir du public et puis de donner des cours à des adultes. Mais on a pu quand même se réorganiser pour accueillir les enfants de moins de 16 ans. Et on essaye de favoriser au plus, non seulement des cours individuels, mais aussi des interactions sociales. Alors peut-être avec des morceaux communs, parfois entre un pianiste, un guitariste et un batteur. Alors on respecte à chaque fois les consignes sanitaires. On n'a pas le droit d'être plus de 6 dans la même pièce, etc. Mais on peut quand même essayer de favoriser les interactions. Parce que je signale que, en fait, notre but en tant que MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture, c'est de favoriser le lien social et de créer autant d'interactions sociales possibles au sein de la ville. Donc nous, c'est pas seulement on y vient pour apprendre la musique, apprendre à jouer de la musique, mais on y vient également pour avoir une interaction sociale qui dépasse le cadre scolaire. Donc c'est très important pour un enfant de moins de 16 ans ou un adolescent, enfin même un étudiant quel qu'il soit, d'avoir d'autres choses que les cours pour pouvoir créer du lien social. Voilà, donc ça va bien au-delà de la simple école de musique. Pour votre actualité, justement, pour garder ce lien aussi, ce mercredi à 15h, donc il y a une audition, et là, ça s'adresse aux moins de 16 ans, et c'est pour la classe de piano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça va se passer ? Oui, donc cette audition est à l'initiative de notre professeur de piano, qui est Sonia Karapetian, qui est une pianiste franco-arménienne qui enseigne à la MJC depuis plusieurs années. Elle a proposé d'organiser une audition parce que, en fait, elle se rend bien compte que pour l'instant, il y a peu de projets culturels. En tout cas, on entend parler de certains projets culturels, il se passe des choses en ligne, etc. Mais on entend peu parler des écoles de musique. Pourtant, les jeunes continuent à apprendre la musique, continuent à développer une dynamique, etc. Et Sonia m'a donc proposé d'organiser cette audition qui sera faite dans notre auditorium où on va filmer les élèves face caméra sur le piano. Puis ensuite, on fera un petit montage et on la diffusera le lendemain, le jeudi, donc sur Facebook et sur notre site internet. Alors je signale également que c'est très important, c'est pas seulement une audition de piano classique, c'est très important de en ce moment d'avoir ce type de projet parce que ça permet à un enfant qui apprend la musique et à un parent également de se projeter très simplement dans le travail et la réussite d'un objectif, ce qui n'est pas forcément évident à l'heure actuelle où ce qu'on entend très souvent et ce que les enfants entendent très souvent, c'est « on ne sait pas comment ça va être demain ». Donc là, ça leur donne un objectif de travail sur un projet concret qu'ils vont pouvoir ensuite partager. C'est quand même une réalisation publique, même si c'est virtuel. Ils savent qu'il y a des gens qui vont regarder. Donc pour eux, c'est très important de pouvoir s'investir dans un projet. Parce que c'est ça qui crée une dynamique culturelle, c'est d'avoir des projets. On ne vit que comme ça, nous, surtout dans la MJC. Pour les soutenir, eh bien, il suffira d'aller voir leurs prestations. Donc ce sera sur votre chaîne YouTube MJC Philippe Desforges Nancy. Donc tout ça, bien sûr, on retrouve aussi sur le site de la MJC. Hein, c'est mjc-desforges.com. Voilà, et sur la page Facebook de la MJC Desforges, qu'on trouve aussi facilement. Vous avez d'autres projets aussi hein, pour la MJC. D'autres auditions seront programmées dans les semaines ou mois à venir. Oui, alors on a pour projet, alors vu que la reprise des cours n'a été faite que depuis le mois de janvier, il faut quand même le temps pour les élèves d'apprendre leurs morceaux, de pouvoir avoir quelque chose à présenter. Et je pense que juste après les vacances, à partir du mois de mars, on va organiser d'autres auditions, notamment une audition de batterie. Il y a beaucoup de choses à faire avec les outils technologiques là, pour pouvoir diffuser de la culture en ligne. Donc on va profiter de tout ça. On a pour projet d'organiser un festival qui existe déjà, en fait, qui s'appelle le festival Today à la MJC Desforges, qui a traditionnellement lieu à la fin du mois de juin. On est déjà en train de réfléchir pour l'organiser cette fois-ci à la fin du mois de mai, qui sera un festival dont le but est de promouvoir les groupes amateurs à Nancy, donc les groupes liés à la MJC Desforges, à ses élèves, à ses professeurs, mais également on aimerait développer le soutien, la production de groupes amateurs dans Nancy. Je signale juste que les MJC sont des structures qui font quand même sens dans une ville, puisqu'elles amènent, et c'est notre but, une vie culturelle autre que l'école, et surtout démontrent en ce moment que malgré les restrictions, il y a une vie culturelle qui perdure, puisque des petits apprennent la musique, des petits continuent à faire des présentations et préparent une dynamique culturelle pour demain. Et donc ça, nous, on va essayer de la soutenir par tous les moyens possibles. Pour l'instant, le moyen qu'on a, ce sont des auditions, des présentations publiques retransmises en direct. Merci beaucoup, Vincent Granata. Donc plein de choses à faire et plein d'envie aussi de la part des jeunes et aussi des professeurs. Merci beaucoup, Vincent Granata. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.